sanga na mona nkembo na yo buli sanga nzela na moye ngemene buli sanga na mona nkembo na yo ambi sanga nzela ya moye ngemene. Maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre.